Donc, nous revenons sur le phénomène des égrégores. Je rappelle que le problème de l'égrégore, de la création des égrégores, c'est que l'homme qui crée s'évertue à servir ses créatures. Donc, cette créature, n'ayant plus pour fonction d'aider l'homme, mais d'asservir l'homme, devient une illusion. C'est-à-dire que l'homme interprète sa créature comme un dieu, lui donne un pouvoir créateur, un pouvoir transformateur, et ces phénomènes que l'homme se plaît à donner à sa créature sont faux. Donc, ces créatures, pour l'homme, ne représentent que des mécanismes illusoires. Ce sont des illusions. Lorsque l'homme crée une illusion, l'homme crée quelque chose. L'homme ne crée pas simplement une idée qui se perd quelque part dans la brume de l'astral. Lorsque l'homme crée une illusion, l'illusion, elle est aussi réelle qu'un marteau. Sauf que si le marteau, on le croit capable de couper des planches, de dévisser des vis, on vit dans l'illusion. Mais le marteau existe. Lorsque l'homme crée un égrégore, l'égrégore est là. Sauf que si l'homme lui donne des qualités, un caractère qui n'est pas propre à l'égrégore, mais propre à la vision de l'homme, l'homme voit une illusion. L'homme est dans l'illusion. Malgré que l'illusion est illusoire, elle est réelle. Et c'est le gros problème de la dualité de l'homme, c'est qu'une chose, même si elle est absurde, même si elle est illusoire, même si elle est fausse, elle est. Et lorsque l'homme détermine, ou lorsque l'homme perçoit que sa conception de la réalité était fausse, il s'imagine que c'était là l'illusion. Sa conception, elle était vraie, mais elle était une interprétation de la réalité. Et ce mécanisme est l'illusion. L'illusion qui est une interprétation de la réalité, donc l'illusion qui est une réalité qui est limitée à la perception d'un seul individu à la fois. La réalité est un mécanisme, est un phénomène qui peut être vécu par tous les individus à la fois, alors que l'illusion ne peut être vécue ou perçue par un seul à la fois. L'égrégore, créer un égrégore, est-ce que c'est créer des illusions? Non. Interpréter l'égrégore et lui donner des qualificatifs qu'il n'a pas, c'est là l'illusion. Avoir peur de l'égrégore, c'est être dans l'illusion. Est-ce que l'égrégore peut nous causer des problèmes? Évidemment. Lorsqu'on a peur de lui, lorsqu'on décide d'être son esclave, il ne décide pas d'être le maître. Il est le maître. Et ce n'est pas l'égrégore qui détermine sa situation, c'est l'homme qui se place en bas ou qui se place en haut. On n'a pas à demander à un égrégore de nous laisser en paix. L'égrégore ne détermine rien de par lui-même. Il flotte. Et l'homme détermine sa situation par rapport à l'égrégore. Donc, même si le fait de penser qu'un égrégore est supérieur à l'homme est une illusion, l'égrégore va nuire à l'homme. L'égrégore va être supérieur à l'homme, non pas parce qu'il est supérieur, parce que l'homme, dans son monde illusoire, se voit inférieur. Créer un égrégore est extrêmement utile, à la condition que le créateur de l'égrégore soit au courant qu'il est en train de créer un égrégore. Chaque fois que vous avez peur, vous énergisez un égrégore. Chaque fois que vous espérez, vous énergisez un égrégore. Donc, vous créez ou vous entretenez des égrégores sans savoir ce que vous faites. L'égrégore qui est créé ou entretenu dans l'inconscience de l'homme est un égrégore manipulateur parce que l'homme, ne sachant ce qu'il fait, se place immédiatement en dessous. Lorsque l'homme rencontre quelque chose de nouveau, lorsque l'homme perçoit une nouveauté et que cette nouveauté est hors concept, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu la concevoir avant, ou encore lorsqu'il l'a conçue, il l'a conçue supérieure à lui, l'homme n'attend pas d'expérimenter la supériorité de ce qu'il rencontre. Il la croit supérieure. Combien d'entre vous seraient prêts à rencontrer un extraterrestre qui descendrait d'un vaisseau spatial et aller lui demander de faire une commission pour vous? Ou lui ordonner de vous amener quelque part? Non, la majorité de l'humanité irait se mettre à genoux, serait prêt à le servir. C'est un extraterrestre. Il est automatiquement supérieur. Parce que s'il est capable de venir jusque sur la planète Terre, c'est qu'il est supérieur. De même qu'une personne qui habiterait la Lune ou qui habiterait Vénus, lorsqu'elle voit un satellite ou lorsqu'elle voit des terriens sur la Lune, elle pourrait se dire que c'est un peuple extraordinairement pacifique, que c'est un peuple qui ne veut que le bien et qui vient sur la Lune pour aider les Luniens. Par contre, ce peuple n'est pas ce que la personne de la Lune pourrait croire. Ce peuple n'est pas ce que la personne sur Vénus pourrait croire. L'homme est sur la planète Terre. Lorsqu'un extraterrestre parvient sur la planète Terre, il y parvient après l'homme. L'homme l'a devancé. Et l'homme l'a devancé non seulement au niveau de la matière, mais au niveau de plusieurs autres phénomènes vibratoires. L'extraterrestre qui vient sur la planète Terre ne vient pas dans le but d'aider l'homme. Il vient dans le but de s'aider lui-même. L'amour propre, l'amour, est une des lois de l'univers temporel. L'extraterrestre qui vient sur la planète vient s'aider. Il vient chercher des solutions à ses problèmes, il vient chercher des esclaves, il vient assouvir son intellect, il vient expérimenter. L'homme se mettrait à genoux. L'homme qui perçoit la vibration d'un égrégore qui se rapproche de lui se met à genoux. L'homme qui crée sans savoir qu'il crée, lorsqu'il perçoit sa créature, il ne la connaît pas, il se met à genoux. L'homme se met à genoux tout le temps. Lorsque nous créons un égrégore, nous devons percevoir, comprendre continuellement que l'énergie que nous avons investie dans l'égrégore n'est pas là, ne doit jamais devenir une énergie qui va nous asservir. Nous devons comprendre que nous restons les maîtres totaux de notre création et non pas les serviteurs de notre création. Maintenant, lorsque nous créons un égrégore, nous devons répondre de ce que nous créons. Nous appelons cela être conséquentiel de nos créations, de nos actes. Donc, nous sommes régis par le karma. On ne crée pas un égrégore seulement dans l'intention qu'il vienne nous servir pour nous donner plus de possessions matérielles, pour nous donner plus de satisfaction égoïque, pour revenir énergiser notre ego. Nous devons créer un égrégore que si cela est intelligent, donc utile, et utile parce que écologique ou conséquentiel. Nous ne créons pas un égrégore dans le but de perturber ce qui est déjà. Nous pouvons créer un égrégore dans le but d'énergiser ou d'améliorer par le biais des lois déjà présentes ce qui est déjà. L'humanité, prochainement, devra commencer à énergiser l'astral avec des énergies mémorielles supramentales. Dans l'antique antiquité, nous avons eu des personnages qui sont venus sur le plan planétaire et qui ont commencé à créer des égrégores. Ils ont formé des religions, ils ont formé l'alchimie, ils ont formé des sociétés secrètes qui réunissaient les personnes sous le même effigie. Et l'égrégore est souvent transmis, représenté, appelé par un symbole, par une forme ou par une parole magique, un rituel. Nous avons eu des personnes qui ont créé des égrégores de façon à orchestrer l'évolution d'une particularité humaine, d'une parcelle de l'humanité qui avait un taux vibratoire suffisant pour pouvoir servir l'évolution de l'homme en se servant de l'égrégore créé à cette intention. Lorsque nous parlons des deux ordres les plus grands qui ont évolué sur le plan planétaire après l'Atlantide, lorsque nous parlons de la franc-maçonnerie et de l'ordre de la Rose-Croix, nous adressons à deux formes égrégoriennes d'une immensité énergétique incroyable. La même personne est à l'origine de ces deux énergies égrégoriennes. La même personne a créé les deux égrégores qui ont permis d'unir différentes personnes, qui ont permis d'unir des personnes régies par des mécanismes extrêmement intelligents et d'autres personnes régies par la soif de l'intelligence, les êtres de lumière. Ces deux ordres égrégoriens ont formé des ordres matériels qui ont été connus sous l'ordre de la franc-maçonnerie et de l'ordre de la Rose-Croix. Lorsqu'un ordre égrégorien, lorsque une mission égrégorienne arrive à sa fin, elle doit être détruite. Elle sera détruite ou elle pourra servir de base en étant transmutée, ce qui revient au même que détruit, au nouvel égrégore qui pourra permettre la poursuite de l'avancement de l'évolution de ceux qui sont en affinité avec ces vibrations. Lorsque les égrégores de ces deux sociétés secrètes ont été créés, les personnes qui pouvaient s'y relier s'y sont reliées. Maintenant, un égrégore peut être créé dans l'ésotérisme de l'astral, c'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas dans le plan matériel. Présentement, l'égrégore du Verseau est déjà en formation, il est créé. Mais l'homme ne le connaît pas, c'est-à-dire que l'homme n'a aucune relation avec cet égrégore qui est présentement énergisé par 2, 3 ou 4 entités à l'échelle de la planète. Pour que l'homme puisse entrer en relation avec l'égrégore supramental de l'astral, il doit lui-même faire énergiser son propre égrégore. Pour que l'homme arrive à une énergisation égrégorienne suffisante, pour qu'elle puisse se relier à l'égrégore supramental astral déjà existant, l'homme humain, présentement, devra se réunir entre lui-même. C'est-à-dire qu'un individu ne sera pas suffisamment puissant, c'est-à-dire qu'il devra prendre beaucoup de temps pour arriver à énergiser d'une façon correcte un égrégore supramental ou astral, de façon à le mettre en relation avec l'égrégore du Verseau. Présentement, vous avez poissonniquement l'idée de l'homme du Verseau, mais vous n'en avez pas la vibration. Votre vibration Verseau va apparaître seulement lorsque votre ego poissonnique va être dynamisé, va être vibré, va être augmenté en vibration par l'ego égrégorien du Verseau. Lorsque l'homme se réunira et qu'il commencera à construire l'égrégore du Verseau parce qu'il en verra l'intelligence, parce qu'il comprendra l'utilité de cet égrégore, il pourra créer l'égrégore du Verseau et celui-ci ira immédiatement relier les personnes reliées à l'égrégore avec l'égrégore supramental déjà créé par ces 2, 3 ou 4 entités. L'homme pénétrera dans l'ère du Verseau lorsque sa psychologie sera celle du Verseau. Présentement, la psychologie de l'homme est une psychologie poissonnique et une psychologie poissonnique fuyante. L'homme veut vivre l'ère du Verseau parce que l'homme est écœuré de l'ère du poisson. L'homme ne veut pas l'ère du Verseau parce qu'il perçoit l'intelligence de la transformation, parce qu'il perçoit l'intelligence du changement. L'homme veut vivre l'ère du Verseau parce que l'homme est écœuré de l'ère du poisson. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il ne veut plus. Et lorsque l'homme part à l'aveuglette créer une nouvelle chose pour remplacer ce qu'il a déjà il crée encore une fois des désastres. Voter contre un parti nous amène n'importe quel parti politique au pouvoir. Et ce n'est pas très intelligent. L'homme qui fuit l'air du poisson se tourne vers la seule opportunité possible, l'air du Verseau. Alors qu'il n'en comprend même pas les fondements, alors qu'il n'en comprend même pas l'intelligence. Et l'homme qui a une psychologie du poisson fuyante ne peut pas pénétrer dans la psychologie du Verseau. Cette transformation peut être faite par l'homme du poisson qui devra comprendre les mécanismes antérieurs à sa naissance. Avant de créer un égrégore du Verseau, l'homme se doit de comprendre les égrégores du poisson. L'homme se doit de comprendre l'intelligence de la manipulation antérieure. L'homme se doit de comprendre l'intelligence de ce qui le limitait, ce qui l'a empêché d'être détruit. Parce que si l'homme ne veut pas comprendre ce qui s'est passé, il va simplement recréer les mêmes phénomènes dans son avenir. Recréer un égrégore du Verseau pour pouvoir mettre notre espoir dans l'égrégore du Verseau, c'est recréer un égrégore du poisson. Créer un égrégore du Verseau pour pouvoir s'en remettre, pour pouvoir dire que quand j'ai des problèmes, je me relie à cet égrégore du Verseau et qu'il vient m'aider. Il va venir vous aider. Mais vous allez simplement empêcher l'évolution de l'égrégore. Autrement dit, il vient vous aider parce que vous le détruisez. Lorsque l'égrégore doit être détruit parce qu'il a une utilité dans le plan de la matière, il va être détruit. Lorsque l'homme se relie en communauté, lorsque l'homme en communauté crée un égrégore nouveau, et lorsque quelques individus de la communauté se servent pour leur propre fin astrale et égoïque de cet égrégore nouvellement créé, ils le détruisent, mais non pas pour servir le but de l'égrégore, le but de la création de l'égrégore, mais ils se servent de l'énergie de l'égrégore supramental astral pour leur propre fin astrale. Ces personnes sont régies par la loi du karma et les personnes qui acceptent dans leur groupe des individus qui puisent, qui sucent l'énergie de l'égrégore à leur propre fin, sont aussi régis par le karma. Autrement dit, lorsqu'il sera le temps de créer un égrégore du Verseau, les personnes qui ne seront pas aptes à se servir de l'égrégore du Verseau pour ce qu'il est créé, devront être bannies du groupe. C'est une espèce de racisme, mais le danger, et c'est pourquoi je vous disais au début de l'entretien, que c'est un sujet dangereux, c'est que, étant donné que nous avons le privilège de bannir, le privilège de nous servir, le privilège d'avoir raison, on fonde facilement une secte et une religion. Et on est encore une fois perdu. Tous les mécanismes que nous avons une tendance conscientisée à fuir sont des mécanismes que nous allons devoir répéter. En essayant de ne pas les transformer pour qu'elles redeviennent un mécanisme que nous aurons encore une fois à fuir. Entre une idée pure et une idée impure, il y a souvent un grain de sable comme différence. D'où la subtilité qui perd l'homme. Il n'y a pas grand-chose entre une vérité et un mensonge. C'est ou ce n'est pas. Dans la vérité, il y a un grain de sable, ce n'est pas la vérité. L'égrégore qui est créé peut servir. Le moindrement qu'un grain de sable vient s'immiscer dans l'intelligence de la création de l'égrégore, nous avons une nouvelle religion, une nouvelle secte, une nouvelle société secrète poissonnique. Et le danger entre l'un et l'autre, la différence entre l'un et l'autre, est tellement minime que la majorité des individus tomberaient dans l'ère poissonnique avec leur sac à dos du Verseau sans jamais s'en rendre compte. Lorsque l'homme sera suffisamment prêt pour vouloir se réunir de façon à créer un égrégore du Verseau, il sera aidé par différentes formes d'intelligence qui lui permettront de ne pas tomber dans l'ère du poisson. L'homme est suffisamment faible au niveau égoïque, dans sa connaissance, dans sa conscience, que s'il n'était pas aidé par une énergie intelligente, un catalyseur melchisédien, l'homme ne serait pas capable de créer l'ère du Verseau. L'homme resterait dans un prolongement de l'ère du poisson. Donc, si l'homme n'était aidé, il ne pourrait se rendre compte de l'erreur qu'il commettrait en créant et en se servant malencontreusement de l'égrégore du Verseau. Cela est impossible. Ceux qui commenceront à travailler l'égrégore du Verseau en groupe et non pas seuls, ce sont des personnes qui pourront pénétrer dans le Verseau. La condition, elle est extrêmement minime. Les personnes, et c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas encore le temps, c'est le temps d'en parler. On commence collectivement, en parlant et en écoutant, à créer cet égrégore, mais on ne le crée pas de façon à ce qu'il puisse nous servir, du moins pas encore. Le gros danger, c'est que le groupe, je le répète, doit exclure inconditionnellement toutes les personnes qui voudront se servir de cet égrégore à leur fin propre. Donc, le groupe se voit fermé. Le groupe étant fermé, de quelle façon acceptera-t-il de nouvelles personnes? Car lorsque je parle d'un groupe, je ne parle pas de 15, 20, 30 personnes. Cela est un début. Mais plusieurs petits groupes de 15, 20, 30 personnes vont faire leur début. Mais lorsque le groupe sera d'un million, 2 millions de personnes, ce sera plus compliqué. Mais pour que ce groupe arrive à être à une échelle de millions, les petits groupes qui vont commencer ne devront jamais tomber dans la religion, ne devront jamais tomber dans le sectarisme, ne devront jamais revenir dans l'ère du poisson. Il y a l'intelligence qui devra veiller à ce que chaque entité qui vient énergiser l'égrégore et qui se sert de l'égrégore le fasse d'une façon conséquentielle. Sinon, les êtres qui commenceront à créer cet égrégore devront se contenter de l'énergiser, mais ils ne pourront pas s'en servir. Tant qu'ils n'auront pas l'intelligence de savoir quoi faire, tant qu'ils n'auront pas l'intelligence de comprendre ce qu'ils devront faire, l'égrégore ainsi créé, qui ne sert pas l'homme, peut asservir l'homme. Et c'est encore une fois un grand danger. La personne qui crée l'égrégore, et le problème, c'est un problème religieux, une nouvelle religion du Verseau. Et cette nouvelle religion du Verseau ne doit pas voir le jour. Elle ne doit pas voir le jour parce que ce serait un frein à l'avancement de l'homme. Une religion, c'est se relier, religares du mot, et se relier à Dieu. Et ce Dieu est un nom bien bâtard que l'on donne à notre création. Et lorsque l'homme essaie de se relier à ce qu'il a créé, c'est qu'il a perdu le contact avec ce qu'il a créé. Et lorsque l'homme perd le contact avec ce qu'il a créé, de par sa psychologie planétaire, il se croit inférieur à ce qu'il découvre après. Créer une nouvelle religion du Verseau, c'est créer une nouvelle dépendance plus subtile pour permettre à l'astral de récupérer l'homme qui tend à s'échapper de l'astral. Dieu ou l'énergie intelligente n'a pas besoin de fidèles. L'homme veut être fidèle parce qu'il s'imagine que l'égrégore, que le Dieu dans le ciel, pourra le servir plus s'il lui le sert plus. L'égrégore se sert de l'homme et il ne sert pas l'homme. Tant que l'homme n'a pas décidé qu'il était le maître. Et lorsque l'homme est capable de se redresser et de devenir un homme, de devenir le maître de ses créatures. Il est digne d'être le serviteur des énergies intelligentes. Tant que l'homme préfère servir ses créatures au lieu de servir les énergies intelligentes n'ont rien à faire avec l'homme. Et l'homme doit découvrir, l'homme doit se rendre compte, l'homme doit s'imposer à ses créatures. L'homme qui s'impose à l'homme ne s'impose pas à ses créatures, il s'impose à quelqu'un de similaire à lui. Vous devez vous imposer à vos illusions. Vous devez vous imposer à vos peurs. Vous devez vous imposer à vos désirs. Vous devez être les maîtres de vos créations. Cela veut dire être soumis à la tentation et sortir vainqueur parce que vous êtes le maître. L'homme doit être son seul maître. Et l'homme doit être aidé par l'univers comme il a besoin d'être aidé par l'univers. L'homme sera aussi puissant qu'il a besoin de l'être. L'homme sera aussi fort qu'il a besoin de l'être. L'homme sera aussi bien portant qu'il a besoin de l'être, et non pas comme il désire être. L'homme qui crée un égrégore du Verseau a un grand danger, celui de tomber dans une religion du Verseau. Et cette religion, elle ne doit pas voir le jour. Les religions poissonniques qui vont tendre à s'étirer dans le Verseau ne sont aucunement dangereuses. Elles sont là pour permettre aux hommes et aux femmes qui n'ont pas encore atteint le niveau de vibration leur permettant de percevoir clairement ce qu'ils font, de pouvoir expérimenter de façon à ce que leurs yeux s'ouvrent à un moment donné. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les religions existantes. Vous avez à lutter contre vos croyances. Vous avez à lutter contre vos peurs, vos foies, vos désirs. Et quand je dis lutter, je veux simplement dire que vous êtes les maîtres. Vous ne devez pas lutter, en réalité. Vous devez gagner. Cela veut dire que vous devez vous imposer. Et je répète que vous vous imposez à vous, et non pas à d'autres entités humaines. Vous ne pouvez pas encore vous imposer aux événements. Cela va venir à un moment donné. Vous allez aussi être les maîtres de vos événements. Mais vous devez commencer par la base. Vous devez vaincre. Vous devez gagner. Il n'y a pas d'essai en ésotérisme. On fait une chose ou on ne la fait pas. L'homme ne la fait pas. L'on doit gagner. S'imposer. L'homme est son maître, et l'homme est le maître de ses créatures. Sur la planète, il n'y a rien de supérieur à l'homme. Et il n'y a rien qui se prenne aussi bas que l'homme. L'homme est ce qu'il y a de plus évolué sur la planète. Une entité mémorielle supramentale est inférieure à l'homme, parce qu'elle a besoin de l'homme pour être exprimée, parce qu'elle a besoin de l'homme pour expérimenter. L'homme est la seule entité planétaire terrestre qui cumule en lui l'énergie de la matière, l'énergie de la vie, l'énergie de la psychologie et l'énergie du mental. Ce n'est pas parce que l'homme découvre une énergie mentale supérieure à la sienne qu'il doit s'agenouiller. L'homme saura reconnaître une entité supérieure que lorsque cette entité supérieure aura un corps physique humain, une énergie vitale humaine, une énergie psychologique lui permettant de découvrir les choses qui sont belles et d'apprécier les formes d'harmonique qui sont supérieures. Une énergie mentale lui permettant d'être conséquentielle dans tous ses actes. Et une énergie supramentale lui permettant de vivre hors expérience. Là, oui, l'homme vient de rencontrer quelqu'un de supérieur. Et l'homme ne doit pas se mettre à genoux, parce que cet être supérieur ne recherche pas quelqu'un qui se met à genoux. Il irait au Bangladesh. Il irait dans les pays sous-développés. Il ne se présenterait pas la face dans un pays industrialisé où l'homme tend à se conscientiser. Et plus nous aurons d'hommes debout, plus facile sera l'évolution. Et plus rapide sera le contact entre les énergies extraplanétaires, supramentales et l'homme. Créer un égrégore, c'est créer la possibilité. Créer une possibilité pour que notre ego, pour que notre expérience poissonnique, notre expérience du passé, puisse lentement se transformer, s'énergiser en expérience du verso. Donc, l'homme devra perdre ce qu'il a comme expérience et devenir un nouvel homme. Un nouvel homme n'apparaît pas parce qu'il a le désir d'apparaître. Nouveau apparaîtra lorsqu'il sera là. De temps en temps, et de plus en plus rapidement, l'homme va commencer à créer cet égrégore du verso. Égrégore qui aura une tendance vicieuse au début à devenir une religion du verso. Parce que l'homme ne va faire que transposer le mal dans le bien, détruisant ainsi le bien pour en refaire du mal. L'homme qui voit ses idéologies poissonniques inadéquates va simplement essayer de garder le filet créateur, la base, la charpente de son idéologie passée, et il essaiera de se servir de la même charpente pour adosser le mur du verso. C'est-à-dire que l'homme gardera les principes religieux, il ne fera que transformer les noms. Il ne fera que transformer ce qui emplit son principe religieux. Au lieu de s'adresser à un Dieu humain, il essaiera de rejoindre un Dieu extra-humain. Au lieu d'essayer de parler d'espoir vain, il essaiera de comprendre son espoir. L'homme ne changera pas grand-chose dans le début. L'humanité va essayer de créer cette religion du verso. Cette religion du verso qui va simplement permettre à l'homme d'être ce qu'il est encore une fois, et d'interdire à l'homme de devenir un peu plus que ce qu'il est. L'énergie supramentale peut descendre chez l'homme. L'énergie supramentale a une affinité pour l'homme, mais l'homme ne doit pas se mettre à genoux. L'homme est utile à l'énergie supramentale seulement lorsque l'homme est debout. L'énergie créé par la conscientisation de ceux qui auront une intelligence suffisamment vibratoire pour pouvoir créer un égrégore supramentalo-astral, un égrégore non-religieux, ces personnes aideront à l'empêchement évolutif de la religion du verso. Évidemment, pendant les premiers ères, pendant les premiers temps, pendant les premiers centenaires du verso, nous aurons cette religion du verso. Cela est inévitable. L'homme ne pourra pas s'échapper de la religion du verso. Et c'est cette période transitoire qui obligera les religions à lutter pour leur survie, et ces religions devront être détruites. Et quel est le support de la religion? L'égrégore. Quel est le support de l'égrégore? L'homme. Comment détruire la religion? Par l'égrégore. Cela ne se fait pas, détruisons l'homme. Les guerres contre la religion, contre tout ce qui est religieux, ne sont pas nécessairement nécessaires. Mais à un moment donné, il est bien évident que la religion est ce qui stimule le plus les guerres. La majorité de l'humanité se bat et s'est toujours battue pour des idéologies religieuse. Si nous parlons d'idéologie politique, la politique est toujours tendue par la religion. La politique qui dit que nous devons aider la classe pauvre est tendue par une morale religieuse. parce que nous parlons d'aider, nous parlons de pauvres, nous parlons de morale, nous parlons de religion. La politique qui dit que nous devons transmettre tel genre de politique à l'échelle de la planète comme le communisme, c'est religieux. Et le parti est Dieu. L'homme se bat et la guerre mène les batailles. Lorsqu'à un moment donné, les religions devront être détruites par le feu et le sang, ce sera simplement parce que la religion aura voulu détruire le reste par le feu et le sang. Mais elle sera perdante. Il n'y aura jamais de guerre entre l'intelligence et la religion. Sauf si la religion veut détruire l'intelligence. Les guerres eux-mêmes vont auto-détruire des religions pour en renforcer d'autres. Dans les premiers temps, dans les premiers 200 ans à venir, une religion du Verseau pourra voir le jour. Cette religion sera détruite. Et cette période de transition amènera évidemment plusieurs souffrances sur la planète Terre. Souffrances qui seront vécues par les religieux, par les êtres rampants, par ceux qui acceptent la souffrance comme étant une béatitude, une béatification, par ceux qui acceptent d'être maltraités par leur créature pour prouver à leur créature qu'elle les aime. De même, les parents sont-ils, lorsqu'ils acceptent de tout donner à leurs enfants, lorsqu'ils acceptent de souffrir pour leurs enfants, pour que leurs enfants croient que les parents les aiment. Et ils refuseront toujours et continuellement de devenir les maîtres des enfants, de peur que les enfants fuient, disparaissent et disent que leurs parents ne les aiment pas. Ce sont des parents rampants. Et je ne veux pas dire rampants d'une façon péjorative, je vous parle de niveau vibratoire, de fait, de constatation. Lorsque l'homme se plie devant sa créature, l'homme est un être rampant. Et les êtres rampants créent des religions, espèrent en leurs enfants, supplient leurs enfants, essaient de manipuler leurs enfants, alors qu'en réalité, les enfants, les créatures de l'homme, manipulent continuellement les créateurs. La religion du Verseau est une chose qui sera nécessaire parce qu'elle permettra à l'humanité non prête de finaliser dans un apocalypse religieux leur préparation. Nous n'avons pas à lutter contre d'une façon matérielle. Une chose est certaine, c'est que l'égrégore du Verseau, un égrégore qui sera asservi par l'intelligence d'un homme debout, l'homme du Verseau, sera créé, malgré tout. Et l'homme devra se réunir entre lui-même pour pouvoir, au début, originer cette énergie égrégorienne. Je répète que, dans le début, l'homme ne pourra se servir de cette énergie parce qu'il ne sera pas suffisamment conséquentiel pour pouvoir exprimer d'une manière adéquate l'énergie créatrice qu'il aura stockée à l'intérieur d'un accumulateur égrégorien. L'énergie supramentale peut être cumulée à l'intérieur d'une sphère mémorielle de l'astral. Et lorsqu'une intelligence capte l'énergie de l'astral supramentale, il est en relation avec une même dose d'énergie que cette énergie venait directement de l'énergie supramentale. Donc, cet égrégore, à quoi va-t-il servir? Et pourquoi je vous parle de ceci? Lorsque, pendant certaines périodes de bouleversement planétaire, de bouleversement social, de bouleversement humain, l'énergie supramentale sera refoulée à l'extérieur de la planète par l'amoncellement de perturbations, de tempêtes, d'ouragans dans le vent de l'astral planétaire, ceux qui sont en relation avec l'énergie supramentale, ceux qui ont une affinité croissante avec l'énergie supramentale, ceux qui sont en mutation physique et psychologique avec l'énergie supramentale, se verront coupés de cette énergie. Ils n'auront donc autre possibilité que de s'énergiser et de poursuivre leur évolution pendant cette tempête en se reliant à l'accumulateur astral d'énergie supramentale, donc à l'égrégore du Verseau. Cet égrégore devra donc être prêt avant ces phénomènes, il sera prêt avant ces phénomènes, et il devra être suffisamment dynamisé pour permettre aux entités évoluantes conscientisées de pouvoir survivre à ce qui va venir. Donc, il y a plusieurs raisons intelligentes de créer cet accumulateur. Si, par hasard, l'évolution, et je dis par hasard pour sauver du temps, si, par hasard, l'évolution de l'humanité, l'évolution mentale de l'humanité, permettrait à l'homme d'éviter ce genre de conflit, ce catalyseur permettrait simplement l'accélération de la matérialisation de l'énergie supramentale, donc, quoi qu'il arrive, il va être utile. Mais lorsque tout s'obscurcit, lorsque les perturbations, lorsque les derniers soubresauts de l'astral avant sa réclusion vont perturber, vont obscurcir la descente d'énergie supramentale sur la majorité de ceux qui se conscientisent, ceux-ci auront besoin d'une dose massive d'énergie pour pouvoir continuer leur cheminement. Et lorsque l'intelligence de l'homme se sert de l'astral supramental, ou lorsque l'intelligence de l'homme se sert de l'astral, il est capable de transmuer l'astral en énergie supérieure, donc le mental de l'homme est capable de se servir des énergies basses pour se nourrir lui-même et continuer à évoluer. C'est pourquoi on a différentes personnes qui, à travers la souffrance de guerre, continuent leur évolution, tandis que la majorité perdent leur évolution. L'humanité évoluante, conscientisée, l'humanité enfant du Verseau, mais disons pas encore humain du Verseau, et présentement les enfants du Verseau biologiques sont présents, les enfants du Verseau astral ne le sont point. Lorsque l'homme aura suffisamment d'intelligence pour concevoir qu'il ne doit pas créer de religion, pour bien voir les dangers de la religion, pour voir l'intelligence de ne pas rechercher plus de monde, pour voir l'intelligence de ne pas refuser le monde pour garder le cercle fermé, quand l'homme sera suffisamment intelligent, il pourra alors se servir des énergies supramentales accumulées dans l'astral. Vous avez donc deux points importants qui obligent l'homme à créer cette énergie égrégorienne supramentalo-astrale. Cet égrégore est une chose nécessaire qui un jour portera un nom. Cet égrégore, à un moment donné, servira. Elle servira à certaines entités qui présentement sont soit incarnées, soit en voie d'incarnation. Ces entités auront besoin d'énergie pour pouvoir permettre à ceux déjà présents sur la planète, en phase de conscientisation, pour pouvoir permettre à ces entités de pouvoir aider ces personnes. Donc, l'humanité a plusieurs choses à faire pour que s'arrondissent les coins de la souffrance, pour pousser l'évolution en avant. L'humanité ne peut pas précipiter l'évolution. Le temps est venu pour que cela se fasse, et ceux pour qui cela va vibrer vont le faire. Les autres vont attendre, c'est tout. Certaines énergies, certains rayons ont besoin pour être exprimés, pour être efficaces, ont besoin d'aide. L'humanité conscientisée a besoin d'aide, c'est-à-dire que certaines choses, pour qu'elles se fassent, nécessitent l'apport de d'autres choses. Chacune a besoin d'aide. L'homme ne se met pas à genoux. L'homme est aussi utile qu'il est aidé. On appelle ça un échange d'énergie. L'homme qui énergisera cet égrégore va donc créer, religieusement parlant, un sentier pour permettre à certaines entités de pouvoir venir fouler le sol planétaire de façon à pouvoir poursuivre et terminer le travail déjà commencé par certaines de ces entités qui sont déjà présentes sur le plan planétaire. Donc, c'est une troisième raison, un troisième travail donné à l'égrégore du Verseau. Le danger, je le répète, c'est le danger qu'a connu l'humanité poissonique depuis le début des temps, celui de créer une religion. Celui de ne pas comprendre l'intelligence d'une chose, mais celui d'accepter l'efficacité de la chose sans le voir. Si vous avez foi, c'est une religion. Et lorsque l'homme a foi, il essaie de se relier. Il essaie de nourrir sa foi. Et lorsque l'homme essaie de nourrir sa foi, il nourrit l'égrégore et il ne se sert pas de l'égrégore, il est asservi par l'égrégore. Je répète que l'égrégore qui ne sert pas l'homme intelligent a comme fonction propre à elle de se nourrir. L'homme qui a foi se relie. L'homme qui se relie nourrit l'égrégore. Donc, il est assujetti à l'égrégore et automatiquement, l'égrégore manipulera l'homme de façon à ce que l'homme exprime continuellement des mécanismes qui vont lui permettre de nourrir l'égrégore. L'astral planétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous met en colère, la colère étant exprimée, la colère nourrit l'astral colérique. L'astral planétaire vous manipule continuellement de façon à ce que vous exprimiez dans l'astral des énergies qui nourrissent ces concepts, ces contextes. Donc, vous êtes asservi, vous ne vous servez pas. La religion du Verseau sera une tangente poissonnique mélangée à l'égrégore du Verseau créée par l'intelligence. Elle sera détruite, mais l'homme qui travaille à la conscientisation de cet égrégore, l'homme qui travaille à l'énergisation de cet égrégore, doit se surveiller de façon à ne pas venir grossir le rang des religieux, de ceux qui auront la foi en l'égrégore. Plusieurs choses, vous ne connaissez pas. Lorsque vous créez quelque chose, lorsque vous énergisez quelque chose, vous pouvez être vous-même surpris par ce que vous allez faire. Étant surpris par ce que vous faites, vous croyez que c'est quelque chose d'autre qui l'a fait. Et vous vous agenouillez. Il est bien évident que chez l'homme, ce n'est pas l'ego qui fait quelque chose. Présentement, ce n'est pas moi qui parle. Et ce n'est pas moi non plus qui fais différentes choses que j'ai le pouvoir, disons, de faire. C'est par mon intermédiaire que cela se fait. Et présentement, celui qui parle, c'est mon ego. Et moi, l'ego, je sais que moi, je ne fais rien. Et moi, l'ego, je sais que moi, j'ai aucun pouvoir. Mais moi, l'ego, je sais par contre que lorsque je remets ces pouvoirs intelligents entre les mains de ce que j'ai créé, je perds. Moi étant l'ego, j'ai toujours eu l'impression que je faisais. Ou j'étais manipulé par mes créatures, ou j'étais manipulé par Dieu. Manipulé par Dieu ou manipulé par les énergies intelligentes, je l'accepte. Manipulé par les énergies aberrées, mes créations, je ne peux plus l'accepter. Et je sais, moi, l'ego, que ce n'est pas moi qui fais. De ce fait, je n'ai jamais peur. De ce fait, je n'ai aucune inquiétude. De ce fait, je ne m'en fais pas. Par contre, l'homme, non pas l'homme psychologique, non pas l'homme égo, l'homme, la relation existante entre le mental, l'astral, le vital et le physique, l'homme, lui fait. Et lorsque l'homme fait, l'ego laisse faire le mental ou l'ego laisse faire le vital pour guérir ou l'ego laisse faire le supramental. Moi, en tant qu'homme psychologique, je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas une raison pour que l'homme en entier vienne se mettre à genoux devant ma créature, parce qu'une partie de l'homme, l'ego psychologique, se sent inférieur. L'homme doit être son maître et l'homme est le maître. Il ne faut pas seulement le dire d'une façon égoïque, encore faut-il être le maître. Et être le maître, ce n'est pas un désir, c'est une affirmation qui exprime une chose actuelle et non pas potentielle. Seul le mental peut permettre à l'homme de dire qu'il est le maître. Parce que seul le mental voit l'intelligence de la manipulation. Seul le mental accepte donc d'être manipulé par le supérieur et accepte d'être le manipulateur de l'inférieur. Ce que l'homme n'accepte pas. L'homme ne veut pas être le maître de ses créations, L'homme préfère créer et se soumettre. Le mental de l'homme va se relier à l'énergie supramentale. Le mental de l'homme va être capable d'exprimer par l'intermédiaire de la parole un égrégore, une forme d'énergie supramentale qui sera mémorisée dans l'astral. Je vous ai donné trois fonctions de cet égrégore. Il y en a d'autres. Possiblement qu'à un moment donné, nous allons y revenir. Sachez simplement que ces trois fonctions de l'égrégore du Verseau, créées et manipulées par l'intelligence mentale de l'homme, sont essentielles, sont vraies et vont être vérifiées. En dire plus sur l'égrégore serait risqué présentement, étant donné que l'homme qui écoute, que vous avez besoin d'une période d'assimilation, serait risqué d'énergiser la religion du Verseau. De temps en temps, l'homme conséquentiel, ou l'homme qui évolue, l'homme qui se conscientise, a des petites bribes de manipulation égoïque, et il aimerait en savoir plus. L'homme qui évolue par l'intermédiaire de son ego ne recherche pas le repos, sauf quand il est dépassé. Tout à l'heure, vous avez eu une période de repos qui était, à mon sens, nécessaire. Je ne peux pas continuellement exprimer des choses qui, à un moment donné, pourraient finir par vous embrouiller. Déjà que la majorité d'entre vous ne peuvent pas percevoir. Et je ne dis pas ça pour abaisser votre ego, je parle à votre mental. La majorité de votre mental ne peut pas percevoir un dixième de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous pouvez comprendre certaines choses. Par contre, dans la réalité même des faits, cela n'est pas vivant pour vous. Vous devez avoir une période d'assimilation, une période où les vibrations qui sont présentement placés dans votre astral, ce que vous avez appris, compris, ce que vous avez entendu, puisse, par l'intermédiaire de votre mental et de l'ajusteur de pensée, être métamorphosé en énergie qui vous amèneront la compréhension vivante de ce que j'ai dit. Or, le fait de poursuivre pendant une trop grande période à un même rythme énergétique, un phénomène aussi capital que l'égrégore du Verseau serait nuisible pour l'objectif même de la conférence. Ce n'est pas que vous êtes inférieur, ce n'est pas que vous êtes quoi que ce soit. Votre ego est inférieur, cela va de soi. Votre ego ne fait rien. Votre ego est une chose que je pourrais facilement écraser avec mon pied et avoir du plaisir à l'écraser. Mais votre ego a encore une utilité. Il vous permet d'avoir des limitations qui vous empêchent d'essayer de faire des choses que vous n'êtes pas prête à faire. Hélas, évidemment, il vous empêche aussi de faire des choses que vous pourriez faire. Mais le fait de faire des choses que vous n'êtes pas prête à faire peut vous détruire. Le fait de ne pas faire ce que vous pouvez faire ne fait que vous ralentir. Donc, l'ego est extrêmement important pour l'instant. Lorsque vous allez arriver à une étape mentale suffisamment prête pour pouvoir faire fi de l'ego complètement, si à un moment donné, je viens vérifier l'ego, alors il sera temps pour nous de faire des conférences qui débuteront à 6 heures et qui se termineront vers minuit, 1 heure. Pour l'instant, ce n'est pas le temps. Certaines personnes qui viennent aux conférences spéciales viennent trop irrégulièrement. Donc, nous devons nous ajuster quelque peu. D'autres personnes ne viennent pas suffisamment régulièrement aux conférences hebdomadaires pour pouvoir être suffisamment prêtes énergétiquement et vocalement pour que nous puissions, pour l'instant, persévérer dans l'évolution de cette énergie exprimée par la parole. De temps en temps, et c'est là le problème continuel de l'évolution de l'homme, c'est qu'il y a une légère limite, une légère séparation entre une chose et l'autre. Lorsque je vous dis que pour bien percevoir, pour bien saisir ce que j'ai énoncé aujourd'hui, vous devriez le réécouter sur les cassettes, c'est intelligent. Ce n'est pas de la vente. Et si je prends cet exemple, c'est pour vous faire bien voir la différence entre une chose intelligente et la copie de cette intelligence. Il est évident que je peux vous dire ceci pour vous donner l'impression que c'est intelligent alors qu'en réalité, je veux vendre. Moi, personnellement, je ne touche rien sur ce que je vends. Donc, je n'ai aucun intérêt à vendre. Par contre, quand est-ce que l'homme peut-il discerner entre une chose intelligente et une copie, un reflet de l'intelligence? C'est là votre travail. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, nous allons devoir communiquer mental à mental et nous allons pouvoir, à ce moment, faire fi de l'ego. Nous devons y arriver. Vous devez y arriver. Parce que l'homme qui évolue à partir de son ego ne peut pas avancer dans le verso. Il peut pénétrer, mettre un pied, deux pieds. La tête veut rester dans le poisson. L'homme qui ne peut pas communiquer à un moment donné, mental à mental, l'homme qui est toujours assujetti à son ego lorsqu'il communique, l'homme qui se sent frustré lorsque je dis que son mental n'est pas suffisamment prêt, l'homme qui n'est pas capable d'accepter les choses comme elles sont parce que son ego intervient, devra cultiver chez lui cette énergie mentale de façon à ce qu'un moment, nous puissions communiquer mental à mental, d'homme à homme, d'homme à femme, de femme à homme, et de femme à femme. Présentement, ce n'est pas le cas. C'est sûr, c'est bien sûr que dans une certaine forme d'énergie, l'ego a moins tendance à remonter à la surface. Mais ce n'est pas un état qui vous est propre. Alors, nous allons devoir développer cette énergie de communication mentale à mentale et nous allons pouvoir, à un moment donné, voir l'intelligence d'un mécanisme et la copie de l'intelligence. Lorsque je vous dis que nous ne sommes pas prêts encore à poursuivre plus loin en énergie ou en temps énergétique, parce que certains d'entre vous, si on vient trop irrégulièrement aux conférences, ce n'est pas un meilleur moyen de vous faire venir. On a suffisamment, le centre a suffisamment, offre suffisamment de possibilités pour que ça ne coûte rien aux personnes. Alors, ce n'est pas une question monétaire. C'est une question d'intelligence, une question d'écologie. Il doit y avoir un certain nombre de personnes pour pouvoir accumuler, pour pouvoir se protéger des énergies supérieures. Donc, il doit y avoir un certain nombre de personnes pour que nous puissions poursuivre en temps et en énergie l'avancement. Et ces personnes doivent être suffisamment préparées. C'est pourquoi je vous le dis. Ce n'est pas une question de vente, c'est une question d'intelligence. Et moi, je ne peux me permettre de poursuivre plus loin, plus haut ou plus énergétiquement tant que le contexte ne s'y prêtera pas. Vous avez donc un travail à faire. Vous avez donc un travail à faire faire selon ce que vous êtes prêt, selon ce que vous voulez faire. Mais moi, je ne fais qu'attendre. Je ne peux et je ne veux rien faire d'autre. Merci.